France et ce que m'ont laissé les gens. Mais il arrive que l'on me dise on ne connaît pas tes opinions, et en réponse je vous dirai que tout est dans cette question. Où est passée la blanche Hermine? L'avez-vous croisée en chemin? Appelez-moi, faites-moi signe, j'aimerais en parler à quelqu'un. C'est le passé de la nostalgie, un vieux combat diront certains. Où est passée la blanche Hermine? Reviendra-t-elle un beau matin? Elle courait partout naguère, et bien des gens en étaient fiers. D'ailleurs une chanson traîne encore sa popularité d'alors. Elle a inspiré les poètes, les écrivains, les musiciens, et ce serait dommage que ses traces se perdent un jour dans le lointain. Où est passée la blanche Hermine? L'avez-vous croisée en chemin? Appelez-moi, faites-moi signe, j'aimerais en parler à quelqu'un. C'est du passé, de la nostalgie, un vieux combat diront certains. Où est passée la blanche Hermine? Reviendra-t-elle un beau matin? Bien sûr des gens se battent haut et fort pour qu'une langue vive encore, de jeunes s'appliquent dans les bagarres à la musique. Face à l'universalité, face à la mondialisation, nos enfants sauront-ils garder quelque chose de nos traditions? Où est passée la blanche Hermine? L'avez-vous croisée en chemin? Appelez-moi, faites-moi signe, j'aimerais en parler à quelqu'un. C'est du passé, de la nostalgie, un vieux combat diront certains. Où est passée la blanche Hermine? Reviendra-t-elle?